Drôle de dame, fais-la sourire, imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, c'est une drôle, drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Elle est toute jolie, c'est la plus belle du monde. Drôle de dame, elle a fait de toi un homme. Une drôle de dame, t'es amoureux de ton charme. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle fait celle qui t'ignore. Ses yeux de fou, son sourire qui te donne des ailes. Avec elle tu savoures à la vouloir, t'étais pas le seul. Tes larmes sont salées, brave les siennes sont sucrées. Elle veut bonheur jamais tu crées. Elle te veut à vie, t'es pas prêt. Et tu retrouves les mots quand elle te dit que t'es beau. Elle se plaint avec tes bros et tu dis que c'est une drôle de dame la go. Ta go, elle se plaint t'es jamais là. Beau, plains pas si elle te lave. Sans faire trois ans que t'es avec elle, tu la vois trois fois par semaine. Une drôle de dame, elle sort pas, elle t'attend. Tu vas regretter de lui avoir dit chérie, te voir, j'ai pas le temps. Drôle de dame, fais-la sourire, imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame, et tu l'aimes, tu l'aimes, c'est une drôle de dame. Et t'aurais dû lui dire vas-y va-t'en. T'aurais dû aller la voir au lieu d'aller bander en 4 ans. Et là tu te sens seule parce qu'elle vient te quitter, yeah. Et tu dis à tout le monde c'est la vie, mais tout le monde sait que t'es dégoûté, yeah. Nulle part où t'abriter, de retour chez la maman. Le soir avant de dormir, t'es seule, t'as trop maman. Drôle de femme s'envole, elle ressort, elle se met fraîche. Elle va par des coups, elle revient, elle s'est refait le mèche. Toi tu restes au quartier, t'as plus un plan, tu gardes la pêche. Encore chez maman, t'as pas un sou, t'es à la dèche. Drôle de dame, te calcule plus. C'est là que tu vois que t'as fait le con. T'étais trop têtu. Là tu vas bien retenir la leçon. Drôle de dame, fais-la sourire, imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, c'est tu une drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Elle est toute jolie, c'est la plus belle du monde. Drôle de dame, elle a fait de toi un homme. Drôle de dame, fais-la sourire, imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Fais-la sourire, imbécile, au lieu de la faire souffrir. Drôle de dame, fais-lui du mal, mon ami, elle va te faire courir. C'est une drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, c'est une drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Elle est toute jolie, c'est la plus belle du monde. Drôle de dame, elle a fait de toi un homme. Drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Drôle de dame. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Drôle de dame. Tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Et tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Drôle de dame. Drôle de dame. Drôle de dame. Drôle de dame.